Service financier Jacqueline Doucette a comme mission de créer votre indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et courtoise, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Toute l'équipe en profite pour inviter la population à participer en grand nombre au tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. On va parler de course à pied. Alex Bussière était à Boston en fin de semaine dernière où il a participé à un événement quand même intéressant et ça a été quand même couscous. Cinquième position pour Alex Bussière. Question de savoir comment ça va son année, on lui parle. Salut Alex. Salut Dani. Alex, cinquième position en fin de semaine à Boston. On s'est parlé sur les médias sociaux, tu me disais, je suis content, mais j'aurais pu faire mieux. Oui, en fait, on espérait de faire un temps autour de 2 minutes 23, OK. ce qui m'aurait classé probablement au Canadien et universitaire presque automatiquement. J'ai fait 2 minutes 25, donc ça ne m'a pas vraiment classé automatiquement, puis ça passe pas non plus dans le top 10 au Canada, ce qui est le minimum pour, dans le fond, pour passer au Canadien. Donc, il va falloir une grosse course au championnat provincial, soit pour passer avec un bon chrono ou de gagner le championnat, en fait, puisque le champion provincial, il passe directement au Canadien. OK. Donc, est-ce que la compétition est quand même forte là-bas? Oui, c'est une grosse compétition, puisque la personne qui a gagné le 1000 mètres dans ma vague, j'étais dans la vague forte en fait, c'est Andrew Whiting qui a participé aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012, donc c'était quand même assez relevé comme peloton. Donc ça montre quand même l'ampleur de la compétition. OK. Donc, cinquième position, quand tu vois que c'était quand même... Il y avait quand même pas mal de monde. Il y a de quoi être quand même content dans l'ensemble. Mais toi, tu y allais là pour le temps. Tu n'allais pas là pour la victoire, mais tu allais là pour le temps, c'est ça? Oui, exactement, puisque dans le fond, à ce genre de compétition-là, c'est pas vraiment les victoires qui comptent, c'est plus on veut faire nos chronos afin de se classer pour les Canadiens. Donc 2 minutes 25, c'est pas désastreux. Je pense que c'est en voie vers de bons succès au championnat provincial. OK. Donc, si on y allait maintenant avec ton année, comment ça s'enligne maintenant pour l'année? Mon année 2017 s'enligne vraiment bien. En fait, on a quand même plusieurs gros objectifs. Qu'on a fixé avec mon entraîneur et moi. On va aller en camp d'entraînement en Floride après les Canadiens universitaires pour aller comme un peu peaufiner le début de la saison d'été. Ensuite, on va aller en Californie en camp de compétition pour essayer de se classer pour les Jeux de la francophonie. Il faut que je refasse un temps sous les 1 minute 50 pour pouvoir faire partie de l'équipe du Québec. Donc, puisque oui, en effet, le Québec envoie une équipe au Jeux de la francophonie qui va être en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le gros focus pour l'été. Aller en Californie, refaire un temps en dessous des 1,50 pour participer au Jeux de la francophonie. Puis ensuite, aussitôt que cet objectif-là va être atteint, ça va être beaucoup du mode plaisir pour le reste de la saison, puis on va focuser sur cet objectif-là. OK, donc les Jeux de la francophonie, normalement, tu as des bonnes chances puisque tu es un bon Québec, là. Oui, comme j'ai dit, il faut que je refasse en dessous des 1,50. Je l'ai fait en 2015 avec un 1 minute 48. Donc, je crois que juste de redescendre un peu en dessous des 1,50 en début de saison, c'est quelque chose qui est très réaliste. On le travaille fort présentement puis on souhaite que ça marche. OK. Puis pour les prochaines compétitions en salle, comment ça s'enligne? Oui, ben, en fin de semaine, je m'en vais à Ottawa. OK. Participer aux 100 mètres, puisque je n'ai pas encore couru. Puis dans le fond, c'est que pour courir au championnat provincial, tu dois avoir fait la distance avant. Donc, je m'en vais faire mon 100 mètres en espérant de me classer pour les Canadiens, ou encore là, il faut que je fasse un chrono dans les 12 meilleurs au pays. Oui, 12 meilleurs au pays. Ensuite, en fin de semaine prochaine, le 24-25 février, il va avoir lieu le championnat provincial, où que là, je vais courir le 1000 mètres, 4 x 800 mètres, 600 mètres et 4 x 400. Où qu'on vise par équipe de gagner le championnat provincial, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis ensuite, la prochaine compétition, ça va être les championnats canadiens qui vont être à Edmonton la fin de semaine autour du 9, 10, 11, je crois. Là, je devrais participer, tout dépendant si je me classe au 1000 mètres ou au 600 mètres ou les deux, selon comment ça va aller d'ici la fin de la saison. Assurément, le 4 x 400 et le 4 x 800 mètres en relais par équipe. Puis on a quand même de très bons objectifs pour ce championnat-là, aussi par équipe avec le Rouge et Or. Chez les hommes, on est présentement classé quatrième au pays avec un ou deux points d'écart sur la deuxième position. Donc, ça serait quand même intéressant d'aller chercher par équipe un podium à ce championnat canadien-là. OK. Alex, en terminant, donc, Californie, ton camp d'entraînement, tu l'as fait, tu l'as déjà fait, donc, c'est pas quelque chose qui est. Ça va être quoi la deuxième, troisième année que tu vas le faire? Ouais, en fait, voilà 2 ans, j'avais été en camp d'entraînement en Californie, Ouais. à Mammoth Lake. L'an passé, j'avais essayé justement le camp de compétition. Ça avait un peu plus ou moins bien été. Mais du moins, j'ai l'expérience déjà d'y avoir goûté à ces compétitions-là. Donc, je pense que c'est quand même bénéfique d'y aller cette année pour essayer d'abaisser mes chronos. OK. Ben, Alex, on va te surveiller de très très près, puis en fin de semaine, on se parle sur les médias sociaux pour savoir ton résultat. Parfait. Merci beaucoup, Danny. Alex Bussière de Dolbeau, Mistassini.